بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففيما يلي جمع بين كلمات عدد من العلماء في موضوع النصيحة للزوجين في حياتهم الزوجية. Dans ce qui suit, il y a un regroupement de plusieurs paroles et discours de savants au sujet des conseils pour les deux époux dans leur vie conjugale. نوصي الزوج بالاهتمام بإصلاح الزوجة اهتماما كبيرا من أول الزواج. فأولا، لماذا هذه الوصية؟ وثانيا، كيف يكون هذا الإصلاح؟ أولا، لماذا هذه الوصية؟ طيب، je traduis premièrement. On enjoint à l'époux d'accorder une extrême importance à la réforme et l'amélioration de son épouse dès le début du mariage. Premièrement, pourquoi un tel enjoint et un tel conseil? Et deuxièmement, comment cette réforme et cette amélioration se fait? لأن البيت هو مأوى الرجل يأوي إليه ليل نهار بعد فراغه من عمله في الخارج، وهو أيضا المكان الذي ينشأ فيه ذريته. فمتى صلحت ربة البيت، أي المدبرة لأمور البيت وهي الزوجة، صلح البيت كله إن شاء الله من حيث تطهير البيت من جميع أنواع المعاصي والمحرمات، ومن حيث تنشئة الذرية فيه تنشئة صالحة. واستراح الرجل الصالح وقرت عينه إذا رجع في بيته، واطمأن قلبه إذا خرج منه. ومتى فسدت ربة البيت، فسد البيت كله إلا أن يشاء الله. وضاق الرجل الصالح وحزن إذا رجع في بيته، وقلق وخاف إذا خرج منه. Pourquoi un tel conseil, un tel enjoint? Premièrement, car la maison, c'est le refuge de l'homme. Il s'y réfugie et s'y abrite jour et nuit après qu'il ait terminé son activité, son travail à l'extérieur. Et c'est aussi l'endroit dans lequel grandit sa progéniture. Alors, lorsque devient pieuse et vertueuse la maîtresse de cette maison, celle qui s'occupe de cette maison, qui l'organise, c'est-à-dire l'épouse, toute la maison, Inch'Allah, devient à son tour pieuse et vertueuse en ce qui concerne l'état de purification de cette maison quant au péché et aux choses illicites, et en ce qui concerne l'éducation de cette progéniture qui est en train de grandir dans cette maison, d'une éducation vertueuse et pieuse. Et l'homme pieux et vertueux se repose et est heureux lorsqu'il rentre chez lui, et il est tranquille et apaisé lorsqu'il sort de chez lui. Et lorsque la maîtresse de cette maison devient mauvaise, voire corrompu, alors toute la maison devient de même, sauf si Allah en décide autrement. Et l'homme pieux, lorsqu'il rentre chez lui, est angoissé et attristé, et lorsqu'il sort de chez lui, il est inquiet et apeuré. ومن هنا نفهم أن صلاح الذرية أو فسادهم إذا بلغوا وكبروا يترتب غالبا على صلاح والديهم أو فسادهما في صغرهم، وعلى صلاح البيت الذي نشأ فيه، أي طهارته من المعاصي والمحرمات أو فساده. وكما نعلم جميعا، صلاح أمتنا الإسلامية أو فسادها يترتب على صلاح أولادنا أو فسادهم، لأنهم هم رجال الأمة ونساؤها غدا. ف فإذا رأس الأمر في ذلك كله يعود إلى صلاح الأب والأم. ولهذا يقول العلماء: صلاح المجتمع تابع لصلاح الأسر، وصلاح الأسر وسعادتها مربوط بالزواج، ولذا اهتم الإسلام بأمر الزواج اهتماما عظيما. Et d'après ceci, on comprend que la piété et la vertu des enfants, ou leur mauvais état et leur corruption, lorsqu'ils deviendront pubères et lorsqu'ils grandiront, dépend en général de l'état de leurs parents lorsqu'ils étaient petits. Avaient-ils des parents pieux et vertueux ou non? Avaient-ils des parents mauvais et corrompus? Et dépend aussi de l'état de la maison dans laquelle ils ont grandi. Étaient-ils dans une maison purifiée et propre en ce qui concerne les péchés et les choses illicites, ou non? Étaient-ils dans une maison entre guillemets salie ou polluée par des péchés et des choses illicites? Et comme on le sait tous, l'état de notre communauté islamique demain, en bien ou en mal, dépend de l'état des enfants des musulmans aujourd'hui, en bien ou en mal, en vertu ou en corruption, car ce sont eux demain les hommes de cette communauté et les femmes de cette communauté. Donc, en conclusion, la base dans cela, la base dans tout cela, et la première chose primordiale, ça revient à l'état de l'homme, à l'état du père et de la mère, à l'état des deux époux, en piété et vertu, ou le contraire, en mal et corruption. Et c'est pour ça que les savants ont toujours dit: la piété et la vertu de la société, donc du peuple, dépend de la piété et de la vertu des familles. Et la piété et la vertu des familles, ainsi que leur bonheur, est liée au mariage. Et c'est pour cela que l'islam a accordé au mariage et tout ce qui concerne le mariage comme règle et affaire. L'islam lui a apporté à cela une extrême importance. فمن الرجال من يحب الاستقامة لأولاده ولكنه كسلا منه أو جهلا منه لم يهتم بتعليم زوجته وتأديبها فهو ربما علم أولاده بعض أمور الخير والتقوى في العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق فجاءت زوجته بعده تهدم كل ذلك بأن علمت الأولاد أو رغبتهم في الحرام والانحراف كالتشبه بالكفار في أفكارهم وأقوالهم ولباسهم وكالغفلة عن الآخرة والتعلق الزائد بغير الله من الأسباب الدنيوية وكالاختلاط المحرم بين الرجال والنساء والشباب والشابات في البيوت والمدارس والأعمال وكالتصوير المحرم لذوات الأرواح وكالأغاني المحرمة التي منها الأناشيد المصحوبة بآلات الطرب التي سموها زورا أناشيد إسلامية وكمحبة الكفار من أجل دينهم أو دنياهم إلى غير ذلك من المعاصي الاعتقادية والقولية والفعلية وما أحسن ما قيل متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم وقيل أيضا أرى ألف بان لا تقوم لهادم فكيف ببان خلفه ألف هادم. Parmi les hommes, il y en a qui aiment et qui désirent pour leurs enfants qu'ils soient droits sur la religion d'Allah et pieux et vertueux. Cependant, par paresse ou par ignorance de leur part, ils n'ont pas accordé d'importance à l'enseignement de l'épouse et à sa réforme et son amélioration. Donc, Il se peut qu'un tel père, qu'un tel époux enseigne à ses enfants certaines choses du bien et de la crainte d'Allah, que ce soit dans la croyance, dans les actes d'adoration, dans les bons comportements, dans les transactions et relations, etc. Puis son épouse, à qui il n'a pas accordé d'importance à sa réforme et son enseignement, vient après lui et détruit tout ce qu'il a fait comme effort et tout ce qu'il a construit avec ses enfants. Elle arrive après lui et elle enseigne aux enfants ou elle leur donne envie dans le haram et dans la déviation et l'égarement, comme ce genre de péché qui sont répandus et fréquents dans les foyers des musulmans de nos jours, l'imitation et le suivi des mécréants dans leurs idées, leurs paroles, leur tenue vestimentaire, etc. L'inattention et l'insouciance quant à l'au-delà, le fait de se raccrocher et se rattacher de manière exagérée à des choses qui ne sont que des causes et des esbeb parmi notre vie mondaine, l'argent, le travail, etc. La mixité illicite entre les hommes et les femmes, les jeunes hommes et les jeunes filles, dans les maisons, dans les écoles, dans les lieux de travail, etc. La reproduction et la représentation illicite d'être animé d'une âme, la musique et les chants illicites, parmi lesquels on a les chants qu'ils ont nommés faussement chants islamiques, qui sont accompagnés d'instruments de musique, comme l'amour des mécréants, que ce soit pour leur religion, et ça c'est vraiment la plus grosse moussiba, ou juste pour leur dunya, etc. Parmi tous les genres de péchés qui touchent à la croyance ou aux paroles ou aux actes qui se sont répandus de nos jours dans les foyers musulmans, et qu'est-ce que c'est juste et beau ce qui a été dit en vers de poésie autrefois, quand est-ce que la construction atteindra un jour donc on peut traduire sa fin, donc quand est-ce qu'elle sera, donc le sens, quand est-ce qu'elle sera un jour terminée, si toi tu construis et autre que toi détruit. Il a aussi été dit en vers de poésie, je vois 1000 constructeurs qui ne peuvent faire face à un seul destructeur. Alors qu'en est-il d'un constructeur qui a derrière lui 1000 destructeurs ? وثانياً لأن الزوجة هي من يستعف بها الرجل عما سواها من النساء اللاتي لا يجوز له الاستمتاع بهن بالنظر فما فوق وهي من يسكن أي يستريح ويطمئن وهي من يسكن إليها إذا رجع عندها فمتى صلحت الزوجة واتقت ربها أعطت نفسها زوجها كما يحب ويشتهي لترضي ربها الذي أمرها بذلك ولتعف زوجها عن جميع أنواع الاستمتاع المحرم وعاملت زوجها بما يحب ويشتهي من الأقوال والأفعال لتجعله يسكن إليها ويودها ولا يملها ولترضي ربها الذي أمرها بذلك لأنها تعلم أن زوجها متى استعف عن الحرام وسكنت نفسه كان في أتم استعداد للاجتهاد في عبادة ربه التي منها قيامه بحقوق زوجته وأولاده عليه أحسن قيام ومتى مالت نفسه إلى الحرام واضطربت وقلقت كان في أعظم صعوبة لاجتناب معصية ربه فضلاً عن الاجتهاد في طاعته. Et deuxièmement, c'est-à-dire deuxièmement en réponse à la question pourquoi un tel enjoint, pourquoi un tel conseil à l'homme d'accorder une extrême importance à la réforme et l'amélioration de son épouse dès le début du mariage. Donc deuxièmement, car l'épouse c'est la femme par laquelle l'homme doit être chaste et s'abstenir de tout ce qu'il y a, de tout ce qu'il y a en dehors de toutes les autres femmes en dehors de cette épouse avec lesquelles il lui est illicite de rechercher plaisir et jouissance par un regard ou plus, c'est-à-dire ne serait-ce que par un simple regard. Et il est la femme avec laquelle il doit normalement se sentir tranquille, c'est-à-dire se reposer et s'apaiser lorsqu'il revient auprès d'elle, à la maison. Donc, dès lors que l'épouse devient pieuse et vertueuse et craint son Seigneur, elle se donne à son mari comme il aime et comme il désire. Pourquoi elle fait ça? Pour satisfaire d'elle son Seigneur qui lui a ordonné de faire cela, et pour rendre chaste son mari quant à toutes les formes de recherche de plaisir, toutes les formes illicites de recherche de plaisir et jouissance, donc avec les autres femmes. Et elle se comporte avec son époux comme il aime et comme il désire, parmi les paroles et les actes, pour qu'elle lui permette de se sentir tranquille, apaisé, reposé, et pour qu'il l'aime et pour qu'il ne s'en lasse pas, et pour satisfaire d'elle son Seigneur qui lui a ordonné de faire cela. Car cette épouse qui craint son Seigneur et qui est pieuse et vertueuse, elle sait que son mari, lorsqu'il devient chaste et abstinent quant au haram, et lorsque il est intérieurement apaisé et tranquille, il est le plus près possible et le plus disposé possible pour faire des efforts et voire des gros efforts dans l'adoration de son Seigneur, parmi laquelle il y a le fait qu'il remplisse ses devoirs de la meilleure façon possible envers son épouse et ses enfants. Et le contraire, elle sait très bien que lorsque l'âme de son mari penche, c'est-à-dire lorsque son mari penche vers le haram et est intérieurement perturbé et dérangé, il lui est difficile, voire très difficile, d'éviter la désobéissance à son Seigneur, sans même parler des efforts dans son obéissance. وكيف يكون هذا الإصلاح؟ Et comment se fait cette réforme et cette amélioration? يكون بتعليم زوجة الأهم فالأهم والأوجب فالأوجب من دينها وتأديبها على ذلك. فباختصار يعلمها أولا ما يجب عليها العلم به من الاعتقاد والعبادات والمعاملات ويخلص نيته لله في ذلك ويستعين بالله ويصبر ويجتهد ثم يعلمها ما يستحب لها العلم به من الاعتقاد والعبادات والمعاملات وبتوضيح وتفصيل أكثر يكون كما يلي نتعلم أولا الكفر والشرك لنجتنبهما وما ضدهما من الإيمان والتوحيد لنتحلى بهما ثم البدعة الاعتقادية والقولية والفعلية لنجتنبها وضدها السنة في الأقوال والأفعال والعقائد لنتحلى بها ثم الذنوب الكبائر ثم الصغائر في الأقوال والأفعال لنجتنبها مع التوبة الصحيحة المقبولة لنتحلى بها عندما نقع في ذنب ثم أسباب التفاضل بين الأعمال الصالحة لنستطيع أن نعمل أفضل العبادات في أي مكان كنا وأي وقت وأي زمان وأي حال فإن العبادات تتفاضل من حيث الحكم والمكان والوقت والزمان والحال المصاحبة لها ثم نتعلم المعاملة التي يحبها الله منا ويأذن لنا بها عندما نظلم ونؤذى لنستطيع أن نتصرف أحسن التصرف إذا أرسل الشيطان إلينا جنوده بعد أن أصبحنا من الصالحين المتقين إن شاء الله. وهذا الترتيب كما ذكره مفصلا ابن القيم رحمه الله في فائدة عظيمة مشهورة حول عقبات الشيطان في إضلال ابن آدم وإبعاده عن الخير. Donc en réponse à la question comment se fait cette réforme et cette amélioration de l'épouse dès le début du mariage, elle se fait en enseignant à l'épouse le plus important d'abord, c'est-à-dire par ordre le plus important d'abord, le plus obligatoire d'abord de sa religion. Donc on lui enseigne les choses de sa religion par ordre d'importance. On commence par le plus obligatoire, le plus important qu'elle doit savoir de sa religion. Et on l'éduque selon cela. En résumé, il doit lui être apprendre, premièrement, ce qu'elle doit obligatoirement savoir de la croyance de l'islam, des actes d'adoration de l'islam et de tout ce qui touche aux relations et transactions dans l'islam. Et on met une intention sincère pour Allah dans cela et on demande l'aide à Allah pour cela et on patiente et on fait des efforts. Et ensuite, on lui enseigne ce quand on a fait les efforts nécessaires pour lui enseigner les choses qu'elle doit obligatoirement savoir, on passe à ce qu'il ne lui est pas obligatoire de savoir, mais simplement recommandé de savoir parmi la croyance, les actes d'adoration, les relations et transactions. Et ceci de manière plus claire et détaillée est comme ce qui suit. On doit d'abord apprendre, et donc enseigner à nos épouses, nos enfants, premièrement le kufr et le shirk, la mécréance et le polythéisme et l'association, pour pouvoir les éviter, ainsi que leur contraire, la foi et le tawhid, l'acte d'unifier Allah, pour pouvoir s'en orner. Ensuite, l'innovation dans la croyance, dans les paroles, dans les actes, pour pouvoir s'en éloigner. Et son contraire, la sunnah, dans les paroles, les actes et les croyances, pour pouvoir s'en orner. Ensuite, les grands péchés, puis les petits péchés, dans les paroles et dans les actes, pour pouvoir s'en éloigner. Avec le repentir correct, accepté auprès d'Allah, pour pouvoir s'en orner à chaque fois qu'on commettra un péché. Puis, les causes qui rendent les actes d'adoration, les actes vertueux, certains sont mieux que d'autres, certains sont plus importants que d'autres, pour qu'on puisse accomplir les meilleurs des actes d'adoration selon l'endroit dans lequel on se trouve, selon l'heure dans laquelle on est, selon l'époque dans laquelle on est, selon la situation dans laquelle on se trouve, car les actes d'adoration et les actes vertueux ne sont pas toutes d'un même degré, ne sont pas toutes d'une même importance. En ce qui concerne le hukm, leur jugement, certaines sont obligatoires, certaines sont recommandées. Les obligatoires, certaines sont une obligation individuelle, certaines sont une obligation commun, donc fard ayn, fard kifai. Les obligatoires qui sont les obligations individuelles, certaines sont plus obligatoires que d'autres, etc. Donc elles divergent, elles ne sont pas toutes d'un même degré, d'une même importance en ce qui concerne le hukm, en ce qui concerne l'endroit dans lequel on est, l'heure à laquelle on est, l'époque à laquelle on est, la situation dans laquelle on se trouve, etc. Puis, et enfin, la façon de se comporter que Allah aime et que Allah nous autorise et qu'Allah nous autorise lorsque on subit une injustice et une nuisance, pour qu'on puisse se comporter de la meilleure façon lorsque le shaitan enverra vers nous ses troupes parmi les djinns et parmi les hommes, lorsque nous serons devenus, inshallah, des serviteurs d'Allah pieux et qui le craignent, car ceci est ce que le shaitan fait. Il essaye de déranger les serviteurs pieux et vertueux qui craignent Allah par ses troupes parmi les djinns et les hommes de temps à autre, pour leur faire des injustices et pour les nuire. Et ce qu'on a cité selon cet ordre a été cité plus en détail par l'immense et ancien savant Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans une parole pas très longue mais immense dans son sens, et immense dans tout le bénéfice et le profit qu'on en tire. Et cette parole est connue dans son livre Madarij as-Salikin, donc parole qui porte sur les différentes étapes du shaitan dans l'égarement, dans ce qu'il fait pour égarer donc les enfants d'Adam, les hommes, et les éloigner de tout bien. وَنَحْتَمُّ دَائِمًا بِإِصْلَاحِ الْقَلْبِ قَبْلَ الْإِنْشِغَالِ بِإِصْلَاحِ قَبْلَ الْإِنْشِغَالِ بِإِصْلَاحِ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا صَلَحَ يصلح الجسد كله تبعا له وإذا فسد يفسد الجسد كله تبعا له. Et on accorde tout le temps de l'importance à la réforme et l'amélioration du cœur avant de s'occuper à améliorer et réformer autre chose autre que le cœur, car le cœur c'est celui qui lorsqu'il devient bon et pieux, tout le corps ensuite devient bon et pieux après lui. Tout le corps le suit ensuite dans cet état de piété et de vertu. Et le contraire, lorsque le cœur devient mauvais et corrompu, tout le corps le suit ensuite dans cela en devenant mauvais et corrompu. Voilà en ce qui concerne la réponse aux deux questions précédentes. Pourquoi l'homme doit accorder une extrême importance dès le début du mariage à la réforme et l'amélioration de son épouse, et comment se fait cette réforme et cette amélioration. كما أننا نوصي الزوج أن يجعل نصب عينيه الأحاديث الأربعة التالية أي أن يحفظها ويتدبر معانيها ويعمل بمقتضاها ويتذكرها دائما. On enjoint aussi au mari de mettre devant ses yeux les quatre hadiths suivants, c'est-à-dire de mémoriser ces hadiths, de méditer sur leur sens et d'agir selon ce qu'ils exigent, et de se les souvenir, de se les rappeler tout le temps. Al hadith al-awwal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Le premier hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs épouses, et je suis le meilleur d'entre vous avec ma famille, avec mes épouses. الحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وفي رواية أخرى بلفظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. واستوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج Istawsu bin nisa et khayra. Le deuxième hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la femme a certes été créée d'une côte. Elle ne sera pour toi jamais droite sur une voie. Elle ne sera pour toi jamais droite sur une seule et même voie. Donc, si tu prends plaisir et tu jouis d'elle, tu prendras plaisir et tu jouiras d'elle alors qu'il y a quelque chose en elle de penché, de courbé, qui n'est pas droit. Et si tu t'en vas essayer de le mettre droit, cette chose qui est penchée et courbée en elle, tu vas la casser. Et la casser, c'est la divorcer. Et dans une autre riwaya, dans un autre rapport de ce hadith, celui qui croit en Allah et au jour dernier, lorsqu'il assiste à quelque chose, à une affaire, qu'il parle en disant quelque chose de bien ou qu'il se taise. Et soyez bon envers les femmes et veuillez le bien pour les femmes. Car la femme a certes été créée d'une côte. Et la chose la plus courbée et tordue dans une côte, c'est sa partie supérieure. Si tu t'en vas essayer de la mettre droite, tu vas la casser. Et si tu la laisses comme elle est, elle restera toujours comme elle est, courbée et penchée. Soyez donc bon envers les femmes et veuillez le bien pour les femmes. Al-Hadith Thalif, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. Le troisième hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Ce hadith est dans le contexte des deux époux. Qu'un croyant ne déteste pas une croyante s'il déteste en elle un comportement, il sera satisfait d'un autre comportement en elle. الحديث الرابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبما يا رسول الله قال تكفرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب أي لعقل أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. Le quatrième et dernier hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les femmes, faites des aumônes, car il m'a été montré que vous étiez la majorité des gens de l'enfer. Elles dirent donc: et pourquoi, ô messager d'Allah? Il répondit: vous maudissez beaucoup les gens. Et certains savants ont interprété cette parole pas par vous maudissez seulement, mais vous dites beaucoup d'insultes envers les gens ou contre les gens, et vous niez et reniez l'époux, c'est-à-dire le bienfait de l'époux qu'Allah vous a donné. Je n'ai pas vu de gens qui ont un manque dans la capacité à raisonner et un manque dans la religion qui sont capables d'affaiblir et de corrompre la raison d'un homme ferme et déterminé tel que vous. Je n'ai pas vu de gens qui ont un manque dans la capacité à raisonner et un manque dans la religion qui sont capables d'affaiblir et de corrompre la raison d'un homme ferme et déterminé tel que vous. Fadalla al-hadith al-awwal على أن من أراد أن يكون من خير العباد عند الله فليكن خيرهم لأهله وليقتدي في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خير الرجال لأهله وخير العباد عند الله. وينظر في ذلك في كتاب نصيحتي للنساء لأم عبد الله بنت الشيخ مقبل rahimahullah, wa fi kitab al-intisar li huquq al-mu'minat li Salama zawj al-sheikh Muqbil sabiqan rahimahullah fi hadain al-kitabain نماذج من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوجية مع أزواجه. Le premier hadith, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs d'entre vous avec leurs épouses, et je suis le meilleur d'entre vous avec mes épouses. Ce premier hadith a donc prouvé que celui qui veut être parmi les meilleurs serviteurs auprès d'Allah, qu'il soit donc les meilleurs des serviteurs d'Allah avec son épouse, et qu'il suive l'exemple dans cela du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car c'était lui le meilleur des hommes avec ses épouses et c'était lui les meilleurs des serviteurs auprès d'Allah. Et il est possible de lire à ce sujet le sujet des exemples de la façon de vivre du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses dans les deux livres suivants, Mon conseil pour les femmes de la fille de Cheikh Morbil, Oum Abdillah, et un autre livre, je ne sais pas s'il est disponible en traduction française, La prise de défense des droits des croyantes de Oum Salama, l'ancienne épouse de Cheikh Morbil, rahimahullah. ودل الحديث الثاني على أن المرأة خلقت من ضلع آدم ففيها عوجاج كما أن في الضلع عوجاج فلذا لا تستقيم المرأة تماما بل يحصل منها المذموم من الأقوال والأفعال ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فكان لابد لأي رجل أراد أن يدوم استمتاعه بزوجته وتدوم حياته معها ويدوم اجتماع الأولاد عندهما أي أن يدوم زواجه بها فلا يفارقها أن يصبر على ما يحصل منها من حين إلى آخر من سوء القول والفعل فيتغاضى عن بعض ذلك ولا يطمع في استقامتها تماما ويحسن إليها وإلا فإنه سيطلقها. Le deuxième hadith qui citait que la femme a été créée de la côte d'Adam, donc il y aura toujours quelque chose en elle de penché et de courbé, et si tu t'en vas essayer de le mettre droit, tu vas la casser, c'est-à-dire tu vas la divorcer. C'est pour ça que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'être bon et de vouloir le bien pour les femmes et de patienter face à cette chose penchée et courbée, c'est-à-dire que la femme ne pourra jamais être pour son époux complètement droite. Donc ce deuxième hadith a prouvé que la femme a été créée de la côte d'Adam. Il y a donc en elle quelque chose de penché et courbé, tout comme il y a dans la côte quelque chose de penché et de courbé. C'est pour cela que la femme n'est jamais complètement droite. Plutôt, il survient d'elle de manière régulière le blâmable parmi les paroles et les actes. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, a atteint la perfection, c'est-à-dire possible d'atteindre par les humains dans cette vie, a atteint la perfection parmi les hommes, ont atteint la perfection parmi les hommes, beaucoup, et n'ont atteint la perfection parmi les femmes que quatre seulement. Maryam, la fille de Imran, la mère de Isa, alayhi salam. Asiya, fille de Muzahim, l'épouse de Pharaon. Khadija, fille de Khuwaylid, la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Fatima, la fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc nécessaire, le hadith est terminé, hein. Il est donc nécessaire à chaque homme qui désire que sa prise de plaisir et de jouissance avec son épouse dure et sa vie à ses côtés dure et le regroupement des enfants auprès des deux parents dure, c'est-à-dire que son mariage dure avec cette femme et qu'il ne s'en sépare pas, il lui est donc nécessaire qu'il patiente face à ce qu'il survient d'elle de temps à autre, comme mauvaises paroles et mauvais actes. Alors il ferme les yeux et il passe l'éponge sur certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas conseiller et il ne doit pas enseigner lorsqu'il en a l'occasion et lorsque le moment est approprié, mais il a l'obligation de patienter et parfois de fermer les yeux et de passer l'éponge, et qu'il ne désire pas et qu'il n'espère pas faire de sa femme une femme parfaite, donc qui lui est obéissante à 100%, qui est tout le temps droite comme il le veut, et qu'il soit donc bon envers elle et bienfaisant envers elle, sinon ils s'en vont tous les deux à la séparation et au divorce. وقالت أم سلمة في الانتصار لحقوق المؤمنات عن الحديث الرابع وناقص العقل لا بد له من موجه يوجهه التوجيه الصادق عن طريق الرفق واللين وأن يتغاضى عن بعض أخطائه فلا بد انتهى قولها فلا بد من الرفق واللين في معاملة ناقصة العقل والدين إلا في المواضع التي تستلزم الشدة إن أردنا بصدق إصلاحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه وقال صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. En ce qui concerne le quatrième hadith, donc qui était à propos des femmes, comme quoi elles seront la majorité des gens de l'enfer, parce qu'elles nient et renient le bienfait du mari sur elles, parce qu'elles maudissent beaucoup les gens, ou elles disent beaucoup d'insultes contre les gens. Et enfin, du hadith, il a été cité que les femmes ont un manque dans la capacité à raisonner et un manque dans la religion, et il n'y a pas plus capable qu'elle pour affaiblir et corrompre la raison d'un homme, pas n'importe quel homme, un homme ferme et déterminé. Donc Salama, celle qui a écrit le livre La prise de défense des droits des croyantes, elle dit en ce qui concerne ce hadith, et la personne qui a un manque dans la capacité à raisonner, il lui faut obligatoirement une personne qui l'oriente et la dirige avec sincérité et en employant la douceur et la miséricorde, et qu'il pardonne et ferme les yeux sur certaines de ses erreurs. Sa parole est terminée. Il faut donc obligatoirement de la douceur et de la miséricorde dans ta manière de te comporter avec une personne qui a un manque dans sa capacité à raisonner et un manque dans sa religion, bien sûr, sauf dans les situations et les sujets pour lesquels la dureté doit être employée. Donc c'est d'une telle manière, à la base, c'est la douceur et la miséricorde et la patience dont on doit faire preuve avec une personne qui a un manque dans sa capacité à raisonner, un manque dans sa religion, si on veut vraiment et sincèrement sa réforme et son amélioration. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah est certes bon et il aime qu'on soit bon, qu'on soit doux, et il donne pour la douceur lorsque tu es bon ce qu'il ne donne pas lorsque on emploie la dureté et la sévérité, et ce qu'il ne donne pas lorsqu'on emploie toute autre chose que le fait d'être bon et doux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui est privé de la douceur est privé du bien. Celui qui est privé de la douceur est privé du bien. Il y avait aussi le troisième hadith qu'on avait cité précédemment, sur lequel on n'a pas fait de commentaire, car il est très clair. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, à propos des deux époux, qu'un croyant ne déteste pas une croyante. S'il déteste en elle un comportement, il sera satisfait en elle d'un autre comportement. Et c'est un dalil qui prouve clairement que l'homme ne doit pas accentuer ce qu'il voit comme manque et faiblesse ou défaut de son épouse dans des comportements. Plutôt, il fait tout son possible pour patienter, améliorer et réformer cela, et il accentue plus et il pose ses yeux plus sur les bons côtés de son épouse. Le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'on ne déteste pas notre épouse à cause d'un mauvais comportement qu'on voit en elle, car si elle a certains mauvais comportements, elle a un autre, voire d'autres bons comportements qui vont nous satisfaire. Donc à nous de ne pas poser les yeux seulement sur les défauts et les mauvaises choses dans les comportements, mais qu'on fasse tous les efforts possibles pour améliorer cela, réformer cela, tout en patientant et en étant doux et miséricordieux, et qu'on se concentre plutôt, c'est-à-dire qu'on pose nos yeux plutôt sur les bons côtés et les bons comportements qui nous satisfont. Wa nusi az-zawja bil hadhar ash-shadid min hadhihi adh-dhunub ath-thalatha. Sabb al-muslim bighayri haqq was-sabb huwa al-qawl bima fihi at-tanaqqus. وكثرة الشكوى من قدر الله أي من المصائب من مرض وألم وفقر وجوع وموت قريب إلى غير ذلك إلى المخلوق وكفر نعمة الزوج التي هي من أعظم نعم الله على المرأة بالإساءة إليه قولا أو فعلا لأن هذه الذنوب الثلاثة التي جعلت النساء أكثر أهل النار يوم القيامة وفي ذلك دلالة على أن هذه الثلاثة ذنوب عظيمة عند الله كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم فسئل عن سبب ذلك فقال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير وفي الرواية الأخرى التي سبق ذكرها تكثرن اللعن وتكفرن العشير. Et on enjoint à l'épouse d'être beaucoup sur ses gardes et de prendre garde très fortement contre les trois péchés suivants: insulter un musulman injustement et insulter un musulman injustement. Donc, dans son sens religieux, ça signifie dire une parole qui contient son mépris, son dénigrement, son rabaissement. Dire une parole qui contient son mépris, son dénigrement, son rabaissement. Deuxième péché, beaucoup se plaindre du destin d'Allah, c'est-à-dire des épreuves du destin d'Allah, la maladie, une douleur, la pauvreté, la faim, la mort d'un proche, etc. Beaucoup se plaindre de cela, des épreuves du destin d'Allah aux créatures, à des choses qui sont, tu te plains du destin du Créateur à une créature. Et troisième péché, nier et renier le bienfait du mari, qui est parmi les plus immenses bienfaits d'Allah pour la femme. Et nier et renier ce bienfait, c'est-à-dire en étant mauvaise et nuisante envers lui par une parole ou par un acte. Car ces trois péchés sont les péchés qui ont fait que les femmes étaient la majorité des gens de l'enfer le jour de la résurrection. Et il y a en cela une preuve que ces trois péchés sont des péchés immenses auprès d'Allah. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé, il a dit aux femmes, faites des aumônes, car la majorité d'entre vous seront le combustible de Jahannam, de la Jahannam, de l'enfer. Il a ensuite été interrogé sur la cause de cela. Il répondit, car vous vous plaignez beaucoup et car vous niez et reniez le bienfait du mari. Et dans une autre riwaya qui a été citée précédemment, il répondit, car vous maudissez beaucoup les gens ou vous dites beaucoup d'insultes et car vous niez et reniez le mari. فنوصي الزوجة أن تتقي الله قولي خيرا أو اسكتي ولا تشتكي أي مصيبة صغرت أو كبرت إلى مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا وذلك بأن تخبريه بما أصابك وليس هناك مصلحة شرعية تتحقق بالإخبار بل استري ذلك بينك وبين الله تعالى واشتكي إليه وحده فإنه خالقك مالكك مدبر جميع أمورك وأعطي زوجك حقوقه التي جعلها الله عليك من تلبية دعوته إلى المعاشرة وطاعته في جميع أوامره صغرت أو كبرت قلت أو كثرت إلا إذا أمر بمعصية الله وعدم الخروج من البيت إلا بإذنه وعدم الإذن بالدخول في بيته لأحد إلا بإذنه والقيام بخدمته في البيت وعدم الصوم تطوعا في وجوده إلا بإذنه والتزين له كما يحب ويشتهي وحفظ ماله وعرضه وسره وعدم إغضابه بغير حق وخاف الله أن تهمل القيام بشيء من هذه الحقوق أو تقصري فيه فتكوني من اللاتي يكفرن العشير وكم من نعم لا ينعم الله بها على المرأة إلا بسبب زوجها كنعمة الأولاد ونعمة المعاشرة والملاعبة بين الزوجين ونعمة النفقات التي يأتيها بها من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وربما نعمة العلم الشرعي وهي من أعظم النعم فإياك وكفر نعم الله عليك من لا يشكر الناس لا يشكر الله. On enjoint donc à l'épouse de craindre Allah. Dis quelque chose de bien ou tais-toi. Ne te plains d'aucune moussiba, d'aucune épreuve qui t'a atteint, qu'elle soit grande ou petite, auprès d'un être créé, faible, qui ne possède pas, qui n'est pas capable de profiter ou de nuire réellement à lui-même sans même parler d'autrui. Donc n'informe pas de ce qui t'a touché. Donc n'informe aucun être créé de ce qui t'a touché comme épreuve, alors qu'il n'y a aucune maslaha, aucun bien, intérêt et profit religieux qui se concrétise par le fait que tu informes quelqu'un, un être créé, de ce qui t'a touché comme épreuve. Plutôt laisse cela caché entre toi et entre Allah Azza wa Jal et plains-toi à lui seul. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te possède, c'est lui qui organise toutes tes affaires et tout ce qui te concerne, et remplis tes devoirs envers qu'Allah t'a ordonné de remplir envers ton mari, comme répondre à son appel lorsqu'il désire une relation intime, l'obéir dans tout ce qu'il t'ordonne, petit soit l'ordre ou grand soit l'ordre, qu'il soit en voilà, en, que les ordres soient en petite quantité ou en grande quantité, sauf lorsqu'il ordonne de désobéir à Allah. Ne pas sortir de la maison sauf avec sa permission. Ne pas faire entrer quelqu'un dans la maison, sauf avec sa permission. Le servir dans la maison et accomplir les tâches ménagères. Ne pas jeûner par un jeûne surérogatoire alors qu'il est présent, sauf avec sa permission. Se faire belle pour lui comme il aime et comme il désire. Préserver et sauvegarder son argent, sa réputation et son secret. Ne pas le mettre en colère injustement. Et craint Allah. Et aie peur de lui dans le fait d'être négligente dans l'accomplissement de quelque chose parmi ses devoirs envers ton mari. Voilà, d'être négligente ou de ne pas faire comme il faut quelque chose parmi ses devoirs. Alors tu tombes et tu deviens parmi celles qui nie et renie le bienfait du mari. Et combien de bienfaits Allah ne les donne à la femme que par le moyen de son mari, comme le bienfait des enfants, comme le bienfait des relations intimes et des jeux et plaisanteries entre les deux époux, et comme le bienfait de toutes les dépenses que le mari apporte pour son épouse, et peut-être même le bienfait de la science en religion, lorsque le mari apporte à son épouse de la science en religion, qui est certes parmi les plus immenses bienfaits que l'être humain peut recevoir dans cette vie. Prends donc garde, ô toi l'épouse, au fait de nier et renier les bienfaits d'Allah sur toi. Et comme on le sait dans le hadith, d'après le hadith, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. التذكير بحقوق الزوجين اختصارا أما حقوق الرجل على زوجته فقد سبق ذكرها وأما حقوق المرأة على زوجها ففيما يلي. Un rappel résumé des droits des deux époux, donc des droits de chacun des deux époux envers le second. En ce qui concerne les droits de l'homme sur sa femme, donc des devoirs que doit remplir la femme envers son époux, ils ont été cités précédemment. Et en ce qui concerne donc les devoirs que l'homme doit remplir envers son épouse, on les cite. الحقوق المالية المهر والنفقة التي هي الطعام والشراب والثياب والسكنة تعليمها وتأديبها حسن المعاشرة أي الإحسان إليها قولا وفعلا ومنه الرفق والرحمة والملاعبة والتجمل حفظها والغيرة عليها وحفظ سرها. Donc les devoirs financiers, donc la dot, les dépenses en ce qui concerne les besoins primaires, donc tout ce qui touche à l'alimentation et aux vêtements, et le logement. Ensuite, son éducation et son apprentissage. Ensuite, la bonne compagnie, la bonne relation, c'est-à-dire être bienfaisant envers elle par la parole et par l'acte. Et parmi cela, il y a la douceur, la miséricorde, le jeu et la plaisanterie comme elle aime, se faire beau pour elle comme elle aime et comme elle désire, etc. La préserver, la protéger et être jaloux d'une bonne manière, sans exagération ni laxisme. Donc être jaloux pour elle d'une bonne manière, sans exagération ni laxisme. Et sauvegarder son secret, sauvegarder son secret. التنبيه على أهمية الشكر بين الزوجين. شكر كل من الزوجين صاحبه على قيامه بحقوقه عليه واجبا كان أو مستحبا لأن شكر النعمة واجب. طيب يعني من المهمات شكر كل من الزوجين صاحبه على قيامه بحقوقه عليه واجبا كان أو مستحبا لأن الشكر النعمة واجب وكفرانها خطير ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله ومن أعظم الذنوب كفران العشير فتشكر المرأة زوجها على المهر والنفقة والسكنة والتأديب والمعاشرة والغيرة إلى غير ذلك من أتعابه وأعماله في صالح الزوجة وصالح البيت ويشكر الرجل زوجته على الطاعة والتمكين نفسها وتزينها وخدمتها وحملها وولادتها وإرضاعها إلى غير ذلك من أتعابها وأعمالها في صالح الزوج وصالح البيت وذلك أي شكر المعروف ومكافأة المحسن من أقوى أسباب دوام المودة ودوام التراحم بل وتقويتهما. On attire l'attention, on fait une remarque importante donc sur l'importance du remerciement entre les deux époux. Donc, parmi les choses importantes, le fait que chacun des deux époux remercie le second pour ce qu'il accomplit et ce qu'il remplit comme devoir envers le second, que ce devoir soit obligatoire ou recommandé, car remercier le bienfait qu'Allah nous donne est obligatoire. Et renier et nier le bienfait qu'Allah nous donne est très dangereux. Et celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Celui qui ne remercie pas les gens par lesquels Allah lui apporte un bienfait, il n'a en réalité pas remercié Allah pour ce bienfait qu'il lui a donné. Et parmi les plus grands péchés, comme on l'a vu précédemment, nier et renier le bienfait de l'époux. La femme doit donc remercier son mari. Que la femme donc remercie son mari pour la dot qu'il lui a donnée, pour les dépenses qu'il fait pour elle, pour le logement qu'il lui donne, pour l'éducation et l'enseignement qu'il lui donne, pour les relations intimes, pour la jalousie dont il fait preuve avec elle, etc. Parmi tous ces efforts et tous ces actes qui profitent et qui sont pour le bien de l'épouse et qui profitent et sont pour le bien de ce foyer. Et que l'homme remercie aussi son épouse pour l'obéissance dont elle fait preuve, pour le fait qu'elle se donne à lui quand il en a envie, pour le fait qu'elle se fasse belle pour lui comme il l'aime, pour tout ce qu'elle fait pour le servir et s'occuper de son domicile, pour le fait qu'elle porte ses enfants, qu'elle les accouche difficilement, qu'elle les allaite, etc. Parmi tous ces efforts et tous ces actes qu'elle accomplit, qui profitent et sont pour le bien du mari et de ce foyer. Et cela, c'est-à-dire remercier le bienfait et rendre l'appareil à celui qui a été bienfaisant envers nous, c'est parmi les plus fortes causes et les plus grandes causes que l'amour et que la miséricorde entre deux personnes dure et plutôt s'affermisse et se renforce. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.